migratoire, à revenir d'un cœur sincère, détourné de nos mauvaises voies. Telle est ta volonté, Seigneur. Tu veux voir notre pays guéri, le peuple soulagé de tous ses cris, que puisse enfin demeurer la paix. Telle est ta volonté. Si le peuple sur lequel de l'accomplir, oh Dieu, ta puissance. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tous nos péchés, tu les effaces. Ton amour et ta grâce nous dépassent. Oh, que l'on puisse prendre place dans tes desseins, oh mon Dieu. Si le peuple sur lequel invoquer.